Ce qu'on appelle l'ethnotech, c'est plutôt surtout un état d'esprit, je dirais, et une perspective de recherche. Et c'est ce qu'on a essayé de définir dans le petit livre que plusieurs connaissent peut-être, Tradition, oui, il est ici, Tradition orale et identité culturelle, problèmes et méthodes, où il y a eu toute une collaboration pour le faire, et où l'on a essayé justement de définir, non pas encore une fois tellement le mot, mais la perspective de recherche précise. Alors, c'est cela que je vais rappeler, puis on pourra, enfin, sans insister trop là-dessus, puis on pourra en parler plus librement après, avec des questions. Donc, au départ, il s'agit d'enquêter non pas simplement sur la langue, mais d'enquêter sur les cultures qui sont portées par une langue, mais qui peuvent être portées par plusieurs langues, ça on y reviendra peut-être, sur les cultures donc qui vivent dans des régions précises, donc la culture ou les cultures, car il vaut peut-être mieux toujours parler de culture au pluriel qu'au singulier. Le fait culturel est multiple et multiforme en général, et il y a un brassage en fait qui se pose avec des éléments qui peuvent venir de différentes origines. Bon, enfin, disons qu'il s'agit d'enquêter sur des cultures et non pas simplement sur la langue. D'une part, d'autre part, il n'y a pas de questionnaire préétabli, il n'y a pas de grille d'enquête, mais il y a tout de même un plan d'enquête qui résulte d'une connaissance préalable, qui résulte d'une pré-enquête, un plan d'enquête qui permet à l'enquêteur d'avoir quelques objectifs au départ, car je crois qu'il faut être clair, il ne peut pas y avoir d'enquête sans l'organisation de l'enquête, il ne peut pas y avoir l'enquête spontanée où l'on se contente d'être à l'écoute des gens sans avoir rien préparé, ça n'existe pas, ou si ça existe, ça ne sert à rien. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Ça peut être très tentant par certains côtés de développer le spontanéisme en disant on enregistre tout ce qui vient et ensuite et on n'a pas à trier et tout cela est bon. C'est évident que mettre un magnétophone dans une salle, que ce soit une salle de café ou une salle ou une cuisine d'une ferme ou d'une maison de ville ou dans n'importe quel lieu, ça peut être très intéressant du point de vue du langage, car effectivement on a beaucoup d'instantané du langage peut-être très précieux. Ça peut être intéressant aussi d'un certain point de vue sociologique pour savoir comment fonctionne la communication entre individus, mais du point de vue de la connaissance enfin, véritable d'une culture, en profondeur d'une culture, je dis que ça ne sert à rien, ou bien c'est un travail colossal, il faudra enquêter de cette façon pendant des heures et des heures, des milliers d'heures, et ensuite avoir un dépouillement très systématique. Bon, peut-être qu'on arriverait à des résultats au bout de 30 ans, 20 ans, mais je ne pense pas que ça soit vraiment réalisable, et je dirais que je ne pense pas même que ça soit souhaitable. Bon, de toute façon, le plan d'enquête est nécessaire et la préparation de l'enquête est nécessaire. Ce qui est important dans ce type d'enquête, enfin ce qui nous a conduit dans ce type d'enquête, c'est qu'il y ait au départ donc une préparation, qu'il y ait une détermination de certains sujets, mais qu'il y ait surtout une disponibilité totale de l'enquêteur pour déborder ce plan, pour faire en sorte que ce plan soit un plan provisoire, révisable et complétable, si je peux dire, un plan qui puisse être ouvert aux suggestions, aux initiatives de l'enquête et au développement, aux initiatives de l'informateur et au développement de l'enquête. Ce qui veut dire, bon, il y a plusieurs conséquences qui en découlent, c'est que la directivité sera très faible, la directivité existera peut-être au début dans le lancement de l'enquête, mais ensuite, dans le lancement de l'enquête, mais il y aura ensuite très peu de directivité, et il y aura une très grande attention qui sera prêtée aux digressions, c'est ce qu'on appelle les digressions, c'est-à-dire aux éléments qui semblent a priori s'éloigner du sujet que l'on est en train de traiter, enfin d'aborder avec tel ou tel informateur, mais qui en fait peuvent être extrêmement utiles pour la connaissance d'autres faits culturelles auxquelles on n'a pas pensé, et même pour la connaissance peut-être très précise de ce sujet. Bon, alors là, évidemment, il y a des équilibres à trouver, car la digression systématique peut être une perte de temps parfois trop grave, et elle peut être du babillage aussi, bien entendu, chez certaines personnes, mais elle n'est pas à éliminer d'office.